Ok. Chut. Ah. Yeah. C'est l'OVNI au mic, mec. Ha. Ok. Moi, je rappe pas pour les billets. Mais au moins, je suis sûr qu'avec tous les sons que j'ai fait, on pourra pas m'oublier. Je suis resté entier, toujours des problèmes en vie. Je m'en rappelle, j'étais rien, j'étais côté passager en Clio. Et ma vie, c'est pas celle sur le net, t'as rien vu de calme dans mon cœur. Je suis gentil même en guerre, mais crois pas que je t'aime encore, photo. Les temps changent, mais moi non. Et fais gaffe à qui tu donnes, mon adresse et mon nom. Et arrête de me faire le Hulk, parce qu'il y a tout le monde qui te lâche le Hulk. Y'a un hic, le truc c'est que t'es plus dégain, sans ta clique. Là je kick, freestyle je me déclaque. Je viens dans ton quartier pour faire un clip. Et le gérant me défauche une plaque. Dédicace à tous ceux qui m'aiment, des mamies aux mômes, à ceux qui font le ciné qui lève. Passe la deuxième, brum brum toute l'allée. J'écris, je zone, je lève, je fume toute l'année. Ouais, je fais d'or et de platine, toujours ma coupe à l'ancienne. Je tape devant le mic pendant que des potes poussent à la salle. Viens, monte avec moi, cap bras deux sur la selle. Pas plus à Tagadji, tu me fais de la peine. Quand je te vois à la selle, tu capes le sun, puis tout sous le sun. Les lacets d'effet, et j'ai comme l'impression que la moula me fait plus d'effet. Je vois les flics, je vends des millions de CD, et j'ai toujours la pile, va savoir. Toujours pareil, je me déplace en piano ou en classe à faire. Ou je prends ma caisse quand ça foire, seul ND, mec. Mais je te fais planer avec mes sons comme la bête l'évêque. Oh là là, on suce des gains, on souhaite le bonheur à tout le monde. Mais te mets pas contre nous, tu vas finir dans la tourmente. Vive l'OM, même quand ça va pas, faut pas oublier. Pour ceux en DPA à la barre qui vont rentrer pour des billets, pour des billets. Ouh, ça fait des trucs de fou pour des billets. J'espère la boule, ça se met sous. Je me fais petit comme l'iceberg, sous la raille ou sous le caper. On veut le monde comme Tony, on veut le compte à Mark Zuckerberg. J'suis pas le voyou parce que j'ai les moyens. Tu m'en veux, mais voyons. J'étais dans la merde, t'as fait deux points, tu me fais le vaillant. En plus, j'oublie tout le monde. Te plains pas de faire des jaloux et de finir seul contre tout le monde. J'viens de loin, moi c'est l'OVNI, ouais, tu le sais. J'vais tout niquer, tu le sens, tu le sens. Hein? J'ai tout quitté, j'ai mis ma vie dans le sang. Frangin, ça m'a trahi deux, trois fois, ça m'a servi de leçon. Hein? J'rappais dans la chambre, j'vends des CD. J'fais bouger ton angle sur GCBD. Hein? J'ai commencé mon verre, j'vais rentrer péter. J'dois faire un album et j'dois répéter. Mais toi ton cul, c'est pas ta vie, touche maman, y'aura des mecs devant ta porte. Tu me sous-estimes à comment j'm'habille, mais j'pourrais mettre un coup à ta pote. Hein? Ça me demande c'est quand j'arrête. J'vends des sons comme des barrettes, des ciseaux comme Gareth. Big up les beaux, mettre la farlette. Tony le sait pas, mais Mani Vegina, il veut se la faire sous vodka Orangina. Encore dans le top, ça c'est inimaginable. C'est la lettre, c'est l'usine, ouais, c'est la machina. Je me suis mis sous ballon, les doigts pleins de chips de frévalon. Personne m'a tendu la main, pourtant on m'a dit que j'ai le bras long. Plein de textes, plein de freestyle, j'ai fait. Hein? Je mets du TP, je mets du street fight, poteau. Hein? Tu es un mytho, ne mesure pas sur PP. Hein? C'est le PG qui t'a fait le signe en moto. Désolé, fils, on les croche, conduis la DV comme un cross. Je suis dans le biz, on les baise, un peu dégâté, je dors comme un gosse. Tu fais des tours, tu te défoches, mais les chemins te mettent la pétoche. Miss, tu connais des joueurs de ballon, tu fais ta folle dans les loges. Ah ah, ah je le ratatine, ça fait ratata dans Red Platine. Je veux la Bugatti, je veux ce que t'as pas, moi je veux mettre bien ma team. Ouais, j'enterre mes sous, car dans le coin ça pète. Je sais que ça nique l'histoire et que ça se casse à patte. Hein? J'ai pour des embrouilles, c'est dans la caisse à 4. J'ai aussi que quand ça croise, ça veut te casser la pète. J'ai mon poteau parce qu'il fait pas sa pute. Paranoïa, tu me confies à mon pit. Lui c'est fatigué, mais ça lui suce la bite. Hein? Il a rien fait et tous les moutons lui graissent la patte. Hein? Quand elle te touche la queue, tu sais plus où t'habites. Hein? Et tu vas en barrer une note quand tu rabattes. Hein? Après tu pleures quand elle te quitte. Après tu pleures quand elle te quitte. Et ça joue de la guitare, ça se retrouve au mitard. Tous les poteaux deviennent bizarres, t'inquiète, ils retourneront plus tard. Sous bubu, je dors comme un bébé. Moi je suis plus des pépépé. Ouais, en twing twing, en féfé, ils me font le signe, tous les pépés. Je suis au stud sous fantagrine. Les soucis font que je fume des grammes, ça fait du mal pour un gris. Les petites font des bails de grands, viennent de café, torse poilu. En trottinette, rue de la palu. Ou dans les restos avec Jean Talu. Capuché, personne m'a vu. Pour s'en sortir, faut avoir des couilles, du talent et du pif à sortir. Je vais leur faire encore pire. Des projets à construire, des missions à accomplir. Hein? C'est l'OVNI au mic, mec. C'est pas des lol lol lol. C'est pas des lol lol lol. C'est pas des lol lol lol. C'est pas des lol lol lol. Hein? Hein? Ouais, ouais, c'est pas des lol. Ouais, ouais, c'est pas des lol. Ouais, ouais, c'est pas des lol. Ouais, ouais, c'est pas des lol. Ya, ya. Wesh la team Julo.